couleur du papier est celle du bonheur. Les murs qui nous entourent en ont vu des erreurs. Et puis te revoilà, belle comme autrefois. Nous t'attendions, vois-tu, tous les amis et moi. Dans tes cheveux, le temps a mis de la sagesse. Tu es blonde et le vent n'a pas plus de tendresse. La petite fille est morte, et derrière ta porte, il n'est qu'un cœur de femme pour battre de la sorte. Nous avons dans les mains le souvenir étrange des frissons de ta peau quand l'amour s'y mélange. Et tous un peu vieillis, nous refaisons sans bruit le chemin jusqu'à toi par les voies de la vie. Nous avons de l'automne qui pleut dans nos idées. Sur la terre battue, les feuilles sont tombées. Il monte de tes bras le parfum des sous-bois où nous allions ensemble nous perdre autrefois. Mais le fond de tes yeux brille d'un feu soudain. Une étoile s'allume et coule sur ta main. Une larme est tombée de ton regard mouillé. Je n'aurais jamais cru que tu pouvais pleurer. Le soleil a baissé les rayons de nos cœurs. Il brille encore en nous un peu de sa douceur. Il n'est pas de retour des rendez-vous d'amour où tu n'es pas venu et où j'attends toujours. Il n'est pas de retour des rendez-vous d'amour où tu n'es pas venu et où j'attends toujours.